Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Aujourd'hui, le lancement de la consultation citoyenne sur les discriminations. En France, les discriminations sont perçues comme un phénomène de grande ampleur. Et ces discriminations dont nous pouvons tous être un jour victimes ou témoins ignorent les frontières géographiques, culturelles ou sociales et se manifestent de manière visible ou insidieuse dans toutes les sphères de notre société, dans l'emploi, l'accès au logement, aux soins, aux services publics ou bien encore au financement bancaire. Alors en droit, une discrimination, c'est un traitement défavorable qui doit généralement remplir deux conditions cumulatives. La première, être fondée sur un critère défini par la loi, le sexe, l'âge, et la seconde, relever d'une situation qui est visée par la loi, l'accès à l'emploi, à un service, à un logement par exemple. À ce jour, la loi française reconnaît plus de 25 critères de discrimination. Ainsi, défavoriser une personne en raison de ses origines, son sexe, son âge, son handicap ou bien encore ses opinions est interdit par la loi et les conventions internationales auxquelles adhère la France. Ces discriminations, bien sûr, assignent, blessent et elles sont une atteinte à la dignité humaine et peuvent avoir des conséquences dramatiques dans la vie des personnes qui les subissent. C'est en ce sens que le président de la République, Emmanuel Macron, qui a pris l'engagement le 4 décembre 2020 à l'égard des Français, d'une consultation citoyenne sur les discriminations lancée ce jeudi 8 avril 2021 par Elisabeth Moreno, qui est ministre déléguée auprès du Premier ministre chargé de l'égalité entre les hommes et les femmes, et Marc Fesneau, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des relations avec le Parlement et de la participation citoyenne. Ainsi, le gouvernement donne le coup d'envoi d'une consultation citoyenne sur Internet. L'idée est de connaître les mesures préconisées par les Français afin justement de lutter contre les discriminations. Alors, elle s'inscrit dans le prolongement de la première plateforme antidiscrimination lancée en février dernier, promettant une écoute et un accompagnement des personnes s'estimant justement discriminées, notamment au travers du numéro vert, le 3928, ou la plateforme antidiscrimination.fr. Depuis cette date, 3000 personnes ont contacté le 3928, 800 chats ont été effectués et 20% des utilisateurs ont par la suite saisi le défenseur des droits, a annoncé Madame la Ministre. Alors l'objectif de cette consultation citoyenne sur les discriminations est triple. Elle permet en effet aux internautes, dans un premier temps, de donner leur avis sur l'efficacité des dispositifs existants, de signaler des dysfonctionnements et indiquer ce qui pourrait justement être amélioré. Au travers de cette nouvelle consultation, les Français pourront s'exprimer librement et de façon anonyme sur les dispositifs qui existent déjà, à l'image de l'index qui permet de mesurer le respect ou non de la diversité dans les entreprises. Le deuxième objectif est de se prononcer sur de nouvelles mesures actuellement en cours d'élaboration, comme par exemple des mises en situation dans les processus de recrutement plutôt qu'une sélection au CV par exemple. Et enfin, le troisième objectif de cette consultation est de proposer des solutions concrètes et de partager les bonnes pratiques qui sont déjà en application dans certaines organisations. En effet, les participants auront l'occasion de déposer une contribution via le site consultation-discrimination.gouv.fr. Ainsi, les ministres espèrent recueillir des contributions concernant 8 domaines. L'emploi, le logement, les transports, la sécurité, l'accès aux loisirs et également aux services publics et aux soins, et les assurances, banques et mutuelles. Ces consultations anonymes, comme je l'ai dit, durera 2 mois jusqu'à la mi-mai et sera ouverte à toutes celles et à tous ceux qui souhaitent participer à ce programme en ligne, les citoyens, les associations ou bien encore les entreprises. Bien sûr, une analyse complète des réponses sera réalisée et restituée au Premier ministre afin d'aboutir sur des propositions concrètes sur toutes les situations de discrimination subies. En effet, la consultation fera l'objet d'un rapport rendu public et aura pour objectif d'alimenter le plan national de lutte contre le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie et l'homophobie prévu d'ici l'été. Madame la ministre, d'ailleurs, s'est engagée à recevoir au ministère les auteurs des 20 idées les plus plébiscitées dans le cadre de la consultation. C'était les infos juridiques du CIDFF, une chronique proposée par le Centre d'information des femmes et des familles de Nancy, 1 rue du Manège. Pour toute question, téléphonez au 03 83 35 35 87.